1795, le jeune Jacques Doré est fier de son nom, parcourait le Colorado, l'Indiana et l'Oregon, à la recherche de parias. Que ça ne prime d'appellation, n'existait que pour l'argent, qu'est-ce que de la population. Par un beau jour ensoleillé, parcourant les prairies cheyennes, à la poursuite de Jesse J, se fait attaquer par des hyènes. À la poursuite, il engagea à s'attirer dans tous les coins, et par derrière les attrapa. On les pendra. Il assomma les camalours, être solidement attaché sur le chemin du retour. Les beaux rouges t'attendaient. Trop nombreux pour résister, tant pis se laisser capturer. C'est l'animation de la veillée. J'ai pas le mal de tout. De cette histoire, c'est que voyez-vous, il n'y en a pas. Jack finit sur la route historique.